Chapitre 1. Vous, à la fin. Vous êtes elle. Elle et vous. Vous êtes Essoun. Vous n'avez pas oublié? La femme qui a perdu son fils. Vous êtes une orogène et vous vivez depuis 10 ans à Tirimo, cette petite ville de rien du tout. Seuls 3 de ses habitants sont conscients de ce que vous êtes, y compris 2 que vous avez enfantés. Enfin, il n'en reste qu'un sur 3 maintenant. Vous avez mené ces 10 dernières années une vie aussi ordinaire que possible. Vous êtes arrivé à Tirimo de l'extérieur. D'où et pourquoi, les gens du CRU s'en fichent un peu. Vous étiez de toute évidence instruite. Vous êtes donc devenue enseignante à la crèche locale pour les enfants de 10 à 13 ans. Certains de vos collègues sont plus doués que vous, d'autres moins. Vos anciens élèves vous oublient quand ils changent de groupe, mais ils apprennent. La bouchère a sans doute retenu votre nom, parce qu'elle aime bien flirter avec vous. Le boulanger, non. Parce que, vu votre discrétion, vous n'êtes pour lui, et pour bien d'autres Tirimais, que la femme de Djidja. Née à Tirimo, de parents nés à Tirimo, Djidja est un débiteur de la caste d'usage des résistants. Tout le monde le connaît et l'apprécie, donc vous apprécie par la banque. Dans le tableau de votre vie de famille, il occupe le premier plan, vous le second, et ça vous convient parfaitement. Vous avez 2 enfants, mais le garçon est mort, et la fille a disparu. Peut-être est-elle morte aussi. Vous vous apercevez de ça en rentrant chez vous après une banale journée de travail. Maison déserte, trop silencieuse. Minuscule garçonnet, sanglant et meurtri, gisant dans la pièce commune. Alors, vous vous fermez, sans le vouloir. C'est juste un peu beaucoup, voyez-vous. Un peu trop. Vous en avez tellement vu, vous avez une force énorme. Mais il y a des limites à ce que vous êtes capable d'endurer, même vous. Il s'écoule 2 jours avant que quelqu'un vienne vous voir. Vous les avez passés chez vous, en compagnie de votre fils mort. Vous vous êtes levé, vous êtes allé aux toilettes, vous avez pris quelque chose à manger dans la glacière, vous avez bu le dernier filet d'eau au robinet. C'était faisable, sans penser, mécaniquement. Après, vous reveniez auprès d'Uche. Lors d'un de ces déplacements, vous êtes allé lui chercher une couverture. Vous l'avez couvert jusqu'à son menton détruit, par habitude. Les tuyaux à vapeur ne teintent plus et il fait froid dans la maison. Il risque d'attraper du mal. Le lendemain soir, quelqu'un frappe à la porte. Vous ne faites pas mine de répondre. Il faudrait vous demander qui est là et envisager d'inviter les visiteurs à entrer. Interrogation, qui vous obligerait à penser au corps de votre fils sous la couverture? Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Vous ne prêtez aucune attention au coup résonnant. Quelqu'un frappe à la fenêtre de la pièce principale, insiste. Vous n'y prêtez non plus aucune attention. Finalement, quelqu'un casse la vitre de la porte de service. Des pas s'élèvent dans le couloir qui relie la chambre d'Uche à celle de Nasun, votre fille. Nasun, votre fille. Les pas atteignent la salle commune et s'interrompent. Essoun? Une voix connue, jeune, masculine, familière et familièrement apaisante. Lerna, le fils de Makenba. Il a passé quelques années au loin avant de rentrer à Tirimo, son diplôme de médecin en poche, et de s'installer dans la même rue que vous. Ce n'est plus un simple fils d'eux depuis maintenant un certain temps. Vous vous ordonnez donc pour la énième fois de penser à lui comme à un homme. Oups, pensez. Vous arrêtez, par prudence. Il inspire. Votre peau réverbère son horreur lorsqu'il s'approche au point de voir Uche. Fait remarquable, il ne crie pas. Il ne vous touche pas non plus, mais va se poster de l'autre côté d'Uche pour vous envelopper d'un regard attentif. Cherche-t-il à discerner ce qui se passe en vous? Rien, rien de rien. Il tire sur la couverture pour scruter le corps du garçonnet. Rien, rien de rien. Il la remonte, couvrant cette fois le visage de votre fils. Il n'aime pas ça, dites-vous. Vos premiers mots en 2 jours, ça vous fait un drôle d'effet. Il a peur du noir. Silence. Puis Lerna rabaisse la couverture juste en dessous des yeux d'Uche. Merci, dites-vous. Il hoche la tête. Vous avez dormi? Non. Il fait le tour du corps, vous prend par le bras et vous tire vers le haut avec douceur mais fermeté, sans renoncer parce que vous ne bougez pas, au début. Il se contente d'exercer une traction plus forte, inexorable, au point de vous obliger à vous lever si vous ne voulez pas basculer. Puis, avec la même douceur et la même fermeté, il vous entraîne vers la porte d'entrée. Vous pouvez vous reposer chez moi. Vous ne voulez pas penser? Aussi ne protestez-vous pas en disant que vous disposez chez vous d'un très bon lit, merci beaucoup. Vous ne déclarez pas non plus que tout va bien et que vous n'avez pas besoin d'aide, ce qui n'est pas vrai. Il vous entraîne dehors, puis le long de la rue, en vous tenant tout du long fermement par le coude. Il y a là un petit groupe. Quelques personnes s'approchent de Lerna et de vous, en disant des choses auxquelles il répond. Ces répliques ne vous parviennent pas vraiment. Les voix sont des bruits flous, que votre esprit ne se donne pas la peine d'interpréter. Lerna parle en votre nom, ce dont vous lui seriez reconnaissante si vous arriviez à vous y intéresser. Il vous amène chez lui. Sa maison sent les plantes aromatiques, les produits chimiques et les livres. Il vous installe dans un grand lit, sur lequel est couché un gros chat gris. Le chat se déplace assez pour vous permettre de vous allonger, puis s'installe contre votre flanc quand vous cessez de remuer. Vous y puiseriez un certain réconfort, si sa chaleur et son poids ne vous rappelaient pas un peu Uche lorsqu'il fait la sieste avec vous. Faisait la sieste avec vous. Non, le changement de temps exige de penser. Fais la sieste. Dormez, dit Lerna. Il est facile d'obéir. Vous dormez des heures et des heures. À un moment, vous vous réveillez. Lerna a posé un plateau à côté du lit. Bouillon clair, fruits coupés et tasse de thé. Le tout depuis longtemps à température ambiante. Vous mangez et buvez, puis allez aux toilettes. La chasse d'eau ne fonctionne pas. Le seau plein posé près de la cuvette est sans doute là pour pallier cet inconvénient. Vous vous interrogez sur le problème, puis prenez conscience de la pensée qui s'annonce et êtes contrainte de lutter, lutter, lutter, pour ne pas quitter le chaud silence moelleux de la non-pensée. Vous versez de l'eau dans la cuvette, en rabattez le couvercle et retournez au lit. Dans le rêve, vous êtes témoin de ce que fait Jija. Uche et lui correspondent aux derniers souvenirs qu'ils vous ont laissés. Jija, radieux, a juché Uche sur un de ses genoux pour jouer au tremblement de terre. Le petit rieur serre les cuisses en agitant les bras, décidé à ne pas tomber. Mais Jija cesse brusquement de rire, se lève en jetant Uche à terre et commence à lui administrer une grêle de coups de pied. Vous savez que les choses ne se sont pas passées comme ça. L'empreinte du poing de Jija était visible, meurtrissure à quatre marques parallèles sur le ventre et le visage du garçonnet. Dans le rêve, Jija tue à coups de pied, parce que les rêves ne sont pas logiques. Uche continue à glousser et à agiter les bras, malgré le sang qui lui couvre la figure. Vous vous réveillez, hurlante. Les hurlements se muent en sanglots inextinguibles. Lerna arrive, essaye de dire quelque chose, de vous serrer dans ses bras, puis finit par vous préparer une tisane au goût aussi puissant que répugnant. Vous vous rendormez. Il s'est produit quelque chose au nord, dit Lerna. Vous êtes assise au bord du lit, lui dans un fauteuil en face de vous. Vous buvez encore de sa tisane immonde. Votre mal de tête surpasse les pires gueules de bois que vous ayez jamais eues. Il fait nuit, mais la pénombre règne, car votre hôte n'a allumé que la moitié des lampes. Vous prenez enfin conscience de l'odeur étrange qui vous enveloppe, perceptible malgré la fumée des lanternes. Le parfum du soufre, âcre et piquant. Il est là depuis le matin, gagnant peu à peu en force, plus nette quand Lerna rentre tout juste. La route qui passe près de la ville est encombrée depuis 2 jours par les gens qui viennent de cette direction. Il se frotte le visage en soupirant. C'est votre cadet de 15 ans, mais on ne le croirait plus. Malgré ses cheveux gris de naissance, comme chez beaucoup de ses bakis, ce sont ses nouvelles rides qui le vieillissent et les nouvelles ombres qui hantent ses yeux. Une secousse s'est produite, une forte, il y a 2 jours. On n'a rien senti ici, mais à Soumé. Soumé se trouve dans la vallée voisine, à une journée de cheval. La ville tout entière a... Il secoue la tête. Vous acquiescez, mais vous saviez sans qu'on vous ait rien dit, ou du moins, vous aviez deviné. Il y a 2 jours, assise dans la salle commune de votre maison, les yeux rivés au reste de votre enfant, vous avez senti quelque chose approcher de la ville. Une convulsion de la terre si puissante que vous n'en aviez jamais évalué de semblable. Le mot « secousse » est inadéquat. La chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, aurait abattu la maison sur Uche, ce pourquoi vous avez dressé un obstacle sur son chemin. Une sorte de brise-lame, composée de l'énergie cinétique puisée en elle et de votre volonté concentrée. Penser était inutile, un nouveau-né l'aurait fait, quoique, peut-être pas aussi proprement. La convulsion s'est divisée pour couler autour de la vallée, avant de poursuivre sa route. Lerna s'humecte les lèvres, vous regarde, puis détourne les yeux. C'est lui qui sait ce que vous êtes, en plus de vos enfants. Il le sait depuis un moment, mais c'est la première fois qu'il est confronté à la réalité du fait. Ça non plus, vous ne pouvez pas vraiment y penser. Rask ne laisse personne franchir les portes de la ville, ni dans un sens ni dans l'autre. Rask, innovateur, Tirimo, le chef élu de la com. D'après lui, ce n'est pas un confinement total, pas encore, mais je voulais aller à Soumé aider si nécessaire. Il a refusé. Et il a posté ses satanés mineurs sur les murailles en plus des costauds, pendant que les éclaireurs patrouillaient, en leur disant bien de m'empêcher de partir, moi. Lerna serre les poings, plein d'amertume. Il y a des gens sur la route impériale, des tas de blessés et de malades, mais ce salopard rouilleux ne veut pas que je les aide. Premièrement, gardez les portes, murmurez-vous. Un chuchotis râpeux. Vous avez hurlé longtemps, après avoir rêvé de Jija. Hein ? Vous sirotez un peu de tisane pour apaiser votre gorge douloureuse. La lithomnésie. Lerna vous considère d'un œil fixe. Il connaît les mêmes strophes que vous, car les enfants les apprennent dès la crèche. Plus tard, ils écoutent à la veillée les histoires où de sages gnésistes et des géomestres avisés donnent l'alarme aux sceptiques dès l'apparition des premiers signes. Personne ne les écoute, mais ils sauvent les populations lorsque l'amnésie se révèle fiable. Alors, à votre avis, on en est là, dit lourdement Lerna. Feu souterrain, Essoun, vous n'êtes pas sérieuse? Vous êtes sérieuse, on en est là. Mais il ne vous croira pas si vous essayez de le lui expliquer. Aussi contentez-vous de secouer la tête. Un silence douloureux s'installe, stagnant. Lerna reprend au bout d'un long moment, avec délicatesse. J'ai amené Uche ici. Je l'ai mis à l'infirmerie dans le coffre glaciaire. Je m'occuperai des dispositions. Vous acquiescez lentement. C'était Jija ? Demande-t-il, hésitant. Nouvel acquiescement. Vous l'avez vu ? Je rentrais de la crèche. Ah. Nouveau silence embarrassé. Il paraît que vous avez manqué un jour avant la secousse. La direction a demandé aux enfants de rentrer chez eux parce qu'elle n'avait pas trouvé de remplaçant. Personne ne savait si vous étiez à la maison, malade, ni rien. Oui, bon, vous avez sans doute été renvoyé. Lerna prend une longue inspiration, la relâche. Cet avertissement vous prépare presque à ce qui va suivre. La secousse ne nous a pas touchés, Essoun. Elle a contourné la ville. Quelques arbres ont tremblé, un flanc de falaise s'est éboulé près du ruisseau. Le ruisseau se trouve à l'extrémité nord de la vallée, où nul n'a remarqué de grandes géodes fumantes en calcédoine. N'empêche qu'à Tririmo et aux alentours, tout est intact, dans un cercle quasi parfait, intact. À une époque, vous auriez dissimulé. Vous aviez des raisons de mentir, une vie à protéger. C'est moi, dites-vous. Les mâchoires de Lerna se serrent, mais il acquiesce. Je n'ai jamais dit à personne, il hésite, que vous êtes, une orogène. Il est tellement poli, tellement correct. Les mots les plus laids servant à désigner ce que vous êtes, vous les avez tous entendus. Lui aussi, mais jamais il ne les prononcerait. Jija non plus. Quand quelqu'un près de lui lançait un « gêneur » négligent, il disait toujours « Je ne veux pas que les enfants entendent un langage pareil. » C'est très soudain. Vous vous penchez brusquement en avant, saisi de nausée. Lurna sursaute, se jette sur ce qui se trouve à portée, un pot de chambre dont vous n'avez pas eu besoin. Mais votre estomac n'expulse rien, et les hauts le cœur finissent par s'évanouir. Vous inspirez avec précaution, puis recommencez. Sans mot dire, votre hôte vous tend un verre d'eau, que vous allez repousser d'un geste quand vous changez d'avis et le prenez. Un goût de bile s'attarde dans votre bouche. Ce n'est pas moi, dites-vous enfin. La perplexité qui fronce les sourcils de Lerna vous apprend qu'en ce qui le concerne, vous parlez toujours de la secousse. Jija, ce n'est pas à cause de moi qu'il a découvert. Vous réfléchissez. Vous ne devriez pas. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais Uche, il est trop petit. Il ne se contrôle pas encore. Il a sans doute fait quelque chose qui a permis à Jija de comprendre que vos enfants tiennent de vous. C'est la première fois que vous formulez complètement cette pensée. Lerna ferme les yeux en expirant longuement. Alors, c'est ça. Ce n'est pas ça. Ça n'aurait jamais dû pousser un père à massacrer son propre enfant. Rien n'aurait dû l'y pousser. Lerna s'humecte à nouveau les lèvres. Vous voulez voir Uche? Pourquoi faire? Vous avez regardé votre fils de jour durant. Non. Votre compagnon se lève en soupirant, sans cesser de se frotter le crâne à travers les cheveux. Vous allez le dire à Rask? Demandez-vous. Le coup d'œil qu'il vous jette vous donne l'impression d'être une rustaude. Il est furieux. Un garçon si calme, si réfléchi. Vous n'auriez pas cru qu'il puisse se mettre en colère. Je ne vais rien lui dire du tout, riposte-t-il. Je n'ai rien dit de tout ce temps, je ne vais pas commencer maintenant. Alors que... Je vais aller chercher Eran. Eran, la porte-parole des résistants. Lerna a été de naissance un costaud, mais en rentrant à Tirimo, une fois médecin, il a été adopté par les résistants. Il y avait déjà assez de costauds en ville, et les innovateurs ont perdu au lancer des chardes. Vous-même, vous vous faites passer pour une résistante. Je vais lui dire que vous allez bien. Elle transmettra à Rask. Et vous, vous allez vous reposer. Quand elle va vous demander pour Jija, il secoue la tête. Tout le monde a déjà deviné Essun. Les gens sont capables de lire une carte. C'est clair comme le diamant. Le centre du cercle se trouvait dans le quartier. Sachant ce que Jija avait fait, personne n'a eu de mal à en déduire pourquoi. Le timing ne colle pas, mais les Tirimens n'ont pas réfléchi aussi loin. Vous le regardez. La compréhension vous vient lentement. Ses lèvres se retroussent. La moitié de la ville a beau être horrifiée, le reste est ravi que Jija se soit chargé de ça. Parce que, bien sûr, un gamin de 3 ans a le pouvoir de déclencher une secousse de 1500 km de distance, à Lumen. Vous secouez la tête, mi-surprise par la colère de Lerna, mi-incrédule à l'idée que quelqu'un s'imagine votre petit garçon rieur et vif, capable de faire, de vouloir. Mais, après tout, Jija se l'est bien imaginé. Le dégoût, à nouveau. Lerna prend une fois de plus une longue inspiration. Il n'arrête pas depuis le début de la conversation. Vous aviez déjà eu l'occasion de vous apercevoir qu'il en avait l'habitude. C'est sa manière à lui de se calmer. Restez ici, reposez-vous. Je ne serai pas long. Il quitte la chambre. À en juger par le bruit, il s'affaire quelques instants avec résolution dans les pièces de façade avant de partir à sa réunion. Vous songez à vous reposer, en effet, mais y renoncez finalement. En fait, vous vous levez et gagnez la salle de bain pour vous laver la figure. Toutefois, vous vous figez quand le robinet se met à crachoter, que l'eau chaude vire brusquement à un brun rouge puant, puis se réduit à un maigre filet. Une conduite a cassé quelque part. Une secousse s'est produite, vous a dit Lerna. Les enfants sont notre perte, vous a dit quelqu'un d'autre, il y a de cela bien longtemps. Nasun, chuchotez-vous à votre reflet. Dans le miroir brillent les yeux que votre fille tient de vous, d'un gris ardoise un peu mélancolique. Il a laissé Uche à la maison. Où t'a-t-il emmené, toi? Pas de réponse. Vous fermez le robinet. Puis vous reprenez tout bas sans vraiment vous adresser à personne. Maintenant, faut que j'y aille. Il le faut bel et bien, oui. D'une part, vous voulez retrouver Jija. D'autre part, vous n'êtes pas assez idiote pour rester à Tirimo. Vos concitoyens ne vont pas tarder à venir vous chercher. La secousse qui passe résonnera, la vague qui recule reviendra, la montagne qui gronde rugira. Tablette première de la survie, strophe 5.